C'est comme un rang qui se sort, comme une femme qui se repose. Comme un mirage envisagé qui revient encore à la charge, mais s'il n'est pas vraiment doué. Ce matin, c'est vrai, j'ai encore pris une charge, faut avouer de m'y pardonner. J'ai rêvé d'une belle décharge, je pourrais m'abandonner un soir où il y aurait de l'orage. Et là, à l'heure de la pause, j'ai peur d'écarteler les roses, de faire un massacre à la fleur. Et là, à l'heure où elle est belle, je pleure de ces bouts de ficelle, les mains qui regardent les ailes. Ce matin, malgré les fleurs qui me regardent, je garde quand même mes distances. Je garde toujours cette pudeur qui fait que quand je croise un cœur, ne peut tenir que le silence. Ce matin, à l'heure où d'autres se mettent en cage, je m'allonge et je me repose. Le soleil qui me dévisage, qui me délivre des messages, envoie l'âme de toutes choses. Et là, à l'heure de la pause, j'ai peur d'écarteler les roses, de faire un massacre à la fleur. Et là, à l'heure où elle est belle, je pleure de ces boules de ficelle, les mains qui regardent les heures. Ce matin, c'est comme si la nuit continuait de chuchoter à mes oreilles. Comme si les heures que j'avais pu m'entourer de ces ingénus qui me regardent à moitié nu. Ce matin, pourquoi les fleurs qui me regardent me donnent encore l'envie de vivre? Le soleil, les fleurs et la rage réunis dans le même visage, le cadre d'un enfant sauvage. J'ai peur d'écarteler les roses, de faire un massacre à la fleur. Et là, à l'heure où elle est belle, je pleure de ces bouts de ficelle, des mains qui regardent les airs. Lorsque je l'aperçois, elle me prend dans ses bras. Je vois la vie en rose. Elle me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours. Et ça.